laisse passer les véhicules en face dans la situation numéro 1 ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation numéro 2, oui, réponse C. Non, réponse D.